espion, non. C'est un mot qui ne lui plaît pas. Monsieur Pham Xuan Han, qui ne nie pas avoir espionné, préfère dire qu'il a été un agent de renseignement stratégique. Et au fond, peu importe ce qui compte, c'est que ce vieil homme courtois, discret et modeste a sans doute été l'une des taupes les plus considérables du siècle dernier. Un patriote vietnamien qui, plus que tout autre, a joué un rôle essentiel dans le destin de son pays. Mais n'allons pas trop vite, comme dirait Monsieur X. Monsieur Pham Xuan Han, que nous appellerons plus familièrement par son prénom, Han, a longtemps été un journaliste reconnu, un des hommes les mieux informés de Saïgon, le correspondant permanent de prestigieux organes de presse anglo-saxons. Mais personne ne pouvait deviner qu'il était aussi le meilleur agent de Hanoï et qu'il a transmis aux généraux nord-vietnamiens des renseignements si importants que le sort de la guerre du Vietnam en a été changé. Aujourd'hui, au soir de sa vie, Han reconnaît non sans humour qu'il avait compartimenté son existence et il a confié à mon confrère Jean-Claude Pomonti, longtemps envoyé spécial permanent du Monde et qui lui a consacré un livre, cette réflexion. Le journaliste est en quête de la moindre nouvelle pour la publier, alors que l'espion se prête au même exercice, mais pour cacher ce qu'il a découvert. Dans un instant, donc, Monsieur X déroule la vie extraordinaire de Pham Xuan Han. Un dernier mot avant de lui laisser la parole. Han veut dire caché. Amusant, non? Ou curieuse prémonition de ses parents qui l'ont prénommé ainsi. Han, il faut le dire tout de suite, était un personnage incontournable dans le Saïgon des années 60 et 70. Et il n'a jamais usurpé sa réputation. C'était le journaliste le mieux informé du Vietnam en guerre. Et ses confrères, lorsqu'ils voulaient vérifier une information ou quémander un tuyau, ne manquaient jamais de lui rendre une petite visite. Ah oui, et alors, est-ce que Han partageait volontiers ces informations? En général, oui. En tout cas, il était toujours extrêmement courtois et il était unanimement apprécié. Mais alors, bon, journaliste très bien renseigné, hein, on est d'accord. Était-ce aussi ce qu'on appelle un agent d'influence? Voulait dire que dans ses articles, il aurait pu influencer l'opinion publique au profit de ses amis politiques? Ben oui, naturellement. Hein. Et ben pas du tout. Ses papiers ont toujours été extrêmement rigoureux et impartiaux. Et aujourd'hui encore, alors que l'on connaît maintenant la vérité sur son activité de taupe, ses employeurs anglo-saxons ne regrettent pas d'avoir fait appel à ses services. Et de nombreux journalistes occidentaux sont demeurés ses amis. Ça, c'est quand même assez étonnant. Hein. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est même exceptionnel, car personne ne s'est avisé de le considérer comme un traître. Alors, comme un patriote? Oui, car c'est principalement ce qui le caractérise. Pour autant, Han a toujours été d'une rare lucidité. Et cet homme qui a été honoré dans son pays, il a reçu de nombreuses médailles et même été nommé général, a veillé à prendre ses distances avec les autorités communistes lorsqu'il le fallait. Oui, mais après la guerre. Après la guerre, oui. Il a gardé cet esprit critique qui devrait toujours guider les vrais journalistes. Enfin bref, vous voulez sans doute savoir d'où vient ce très curieux monsieur Pham Xuan Han. Ah, mais je vous écoute alors. Han est issu d'une famille de la petite bourgeoisie vietnamienne. Son père, cadre de l'administration coloniale, était géomètre. Oh, c'est une situation privilégiée, enfin, pour un indigène, comme on disait à l'époque. Certainement. Mais le jeune garçon déçoit assez vite son père. Oui, pourquoi alors? Parce que Han, s'il est sage et manifeste un profond respect filial, comme il est d'usage au Vietnam, est aussi un écolier médiocre et peu assidu. Or, le père nourrit de grandes ambitions pour son fils aîné. C'est pourquoi, afin de le mettre à la raison, le père l'envoie chez l'un de ses frères installé à la campagne. Ça ressemble à une punition. Ouais. En effet, oui. Et à cette occasion, le garçonnet découvre la réalité de la vie des Vietnamiens qui sont essentiellement des paysans. C'est là, et un peu plus tard, sur une petite terre que possède son père, que Han prend conscience de la situation qui est faite à ses compatriotes. D'ailleurs, l'exploitation, l'injustice sociale, le racisme des enfants, de colons. Et ça décidera de ses futures orientations politiques. Mmh. Il a donc arrêté ses études, hein? Non. Il ira au collège, puis au lycée à Saïgon. Mais alors qu'il est sur le point de passer le bac, Han abandonne tout, parce qu'il a décidé de rejoindre le Viet Minh. Ah oui, alors c'est quand ça? En 1945, au moment où les Japonais chassent par la force les autorités françaises nommées par Vichy. Ici, il faut préciser ce qu'est le Viet Minh. Ce n'est pas encore l'organisation communiste qui ne deviendra plus tard. Le Viet Minh, c'est d'abord un mouvement de résistance qui a entrepris la lutte contre l'occupant japonais, mais qui est aussi décidé à arracher l'indépendance du Vietnam après la guerre. Mais le communiste Ho Chi Minh est déjà son chef. C'est vrai, c'est vrai. Toutefois, à l'époque, c'est la dimension nationaliste et anticoloniale qui l'emporte. Et c'est ce qui a dû d'abord séduire le jeune homme. Alors, au sein du Viet Minh, que fait-il ? Quand il s'engage, il a tout juste 18 ans et fait office de courrier. Il suit aussi une brève formation militaire. Toutefois, 2 ans plus tard, il doit provisoirement décrocher. Alors que la guerre d'Indochine, enfin, la nôtre, si j'ose dire, a commencé. Mais pourquoi prend-il ses distances avec le Viet Minh ? Oh, pour des raisons familiales. Son père est malade et Anne doit faire vivre sa famille. Et il exerce 3 métiers à la fois. 3 métiers ? Oui, il est comptable le matin, donne des cours de français l'après-midi car il parle et écrit parfaitement notre langue. Et il conduit un pousse-pousse dans la soirée. Et cette hyperactivité ne l'empêche pas de participer et même d'organiser des manifestations étudiantes anti-françaises. Et bien, quelle activité ? Enfin, il n'a donc pas rompu avec le Viet Minh. C'est exact. Puis au début des années 50, il passe avec succès un concours pour devenir inspecteur des douanes. Alors, il devient donc fonctionnaire de l'administration coloniale. C'est ça. Mais bientôt, sa vie va basculer. Je vous explique. Anne a été repérée par un dirigeant important du Viet Minh qui est aussi le médecin personnel de Ho Chi Minh. Et il lui est proposé de devenir agent de renseignement dans la zone de Saïgon. Au sud, hein, ouais. En fait, on lui demande de monter de toutes pièces un réseau de renseignement Viet Minh. Réaction du jeune homme ? Il n'est pas très chaud. Il n'a pas la vocation, quoi. Non, pas du tout. Il se méfie même instinctivement de ses activités de l'ombre. Mais ce médecin ne lui laisse pas le choix. Anne, s'il veut continuer à agir au sein du Viet Minh, doit accepter. Et remarquez-le bien, il est placé devant un choix redoutable parce que ça veut dire qu'il devra apparemment rompre avec son engagement politique. Ah oui, se dissimuler, quoi. Et donc, et basculer complètement dans la clandestinité. Pire. Il devra maintenant afficher des opinions opposées et collaborer avec ses ennemis. C'est-à-dire les colonialistes et les militaires français. Exactement. Ouais. Et j'ajoute, ça n'est pas anodin que le jeune homme est peu après adoubé. Adoubé, que vous voulez dire ? Eh bien, au cours d'une cérémonie clandestine qui se déroule dans la jungle, Anne est solennellement admis à devenir membre du Parti communiste vietnamien. J'ajoute que cette cérémonie a été présidée par un cadre important, le Duc Tho. Ah, c'est le futur négociateur des pourparlers de paix à Paris, ça. Oui, qui se verra décerner le prix Nobel de paix conjointement avec Henri Kissinger. Ouais, mais le Duc Tho lui refusera. Tout à fait. Ouais. Enfin, c'était un détail. Quoi qu'il en soit, malgré sa répugnance, Anne s'affirme très vite comme étant une recrue de choix pour le Viet Minh. Peu après, Dien Bien Phu, il réussit en effet, grâce à des relations familiales, à intégrer le TRIM. Ce qui lui permet d'éviter d'être incorporé dans un régiment ordinaire. Attends, le TRIM, qu'est-ce que c'est? Un organisme de liaison entre la nouvelle armée vietnamienne. Sud-vietnamienne, non ? Naturellement. Ouais. Donc, entre cette armée, les militaires français qui ne sont pas encore partis et les Américains qui brûlent de prendre notre place. Ah oui, alors j'imagine que c'est un endroit là où l'on doit avoir accès à pas mal d'informations intéressantes. Même au niveau du modeste sous-officier qui est alors Anne. Mais un sous-officier qui prend de plus en plus d'importance. D'abord, parce qu'il est incontestablement intelligent. Et ensuite, parce qu'il parle et écrit le français et l'anglais à la perfection. Pour un ancien cancre, c'est pas mal, hein. Oui, enfin, Anne apprend très vite. J'ajoute que cette fonction lui permet de se doter d'un très bon carnet d'adresses. Au TRIM, il fait, par exemple, la connaissance d'un futur chef d'État, le général Van Thieu, et aussi d'un futur premier ministre, le général Nguyen Cao Ky. En outre, il est amené à rencontrer bon nombre d'agents de la CIA. L'un d'eux en particulier, dont vous connaissez forcément le nom, Lansdell. Oui, c'est l'homme dont s'est inspiré Graham Greene, hein, pour composer son personnage d'un Américain bien tranquille. C'est ça. Mm. Lansdell, un professionnel de l'anticommunisme qui devient très proche du Vietnamien. De Han, donc. Mm-hmm. Alors, au fond, c'est l'espion espionné, en somme. En effet, mais enfin, ce n'est pas tout. Je suis presque persuadé que Anne, tout en entretenant d'excellents rapports avec les types de la CIA, fricote aussi avec d'autres services secrets. Et lesquels ? Les Sud-Vietnamiens, d'abord. Et vous verrez que ses contacts avec les services de Saïgon iront très loin, puisqu'il deviendra un ami personnel de leur chef, le docteur Thuyen. Mais en même temps, je soupçonne Anne d'avoir travaillé aussi avec les Français. Les Français, le ZEC. Je le crois, oui. Et ça ne doit pas vous étonner. C'est le moment où Français et Américains, pardonnez-moi l'expression, se tirent la bourre. Et certains de nos officiers n'apprécient que modérément de voir les gens de la CIA faire tout ce qu'ils peuvent pour nous ficher à la porte du Vietnam. Ça ira même très loin, puisque ces officiers, avec l'appui des services secrets, perpétreront des attentats anti-américains à Saïgon. Alors, Anne, agent occasionnel du SDEC, pourquoi pas ? Tout était bon pour lui, et si ça pouvait lui permettre de transmettre au Viet Minh des informations de première main. Jean-Claude Pomonti, en écrivant une biographie de Pham Xuan Han, s'est amusé à reprendre le titre du roman de Graham Greene dont M. X vient de parler. Elle est en effet intitulée « Un Vietnamien bien tranquille ». J'y ai trouvé ces quelques lignes sur la jeunesse de Han à l'époque où il s'épuise à nourrir sa famille. Un incident montre la complexité des relations dans une société où chacun est invité à tenir sa place. Han remarque un beau jour, le propriétaire du cyclopousse s'adresse à lui de façon polie et non sur le ton employé à l'égard des manœuvres. L'homme finit par lui dire qu'il ne veut plus le laisser sous-louer son cyclopousse. Han a beau lui expliquer pourquoi il le fait de nuit, l'autre ne veut rien entendre et lui reprend le cyclopousse. L'explication. Quelques jours auparavant, Anne a transporté le fils d'un ami de sa famille et le petit a rapporté le fait à son propre père qui en a informé le père de Anne. Malade, celui-ci en a beaucoup souffert. Il pense que son fils est tombé bien bas pour exercer ce métier sans réaliser que Anne se sacrifie pour aider sa famille. En tout cas, SDEC ou pas, Anne accumule des informations très précieuses pour Hanoï. C'est ainsi qu'il fournit des renseignements précis sur le déplacement des forces françaises et surtout sur l'aide militaire états-unienne, ou encore sur la position géographique des stocks d'essence. Toutefois, après la signature des accords de Genève et le retrait annoncé de l'armée française, sa position au Trinh perd de son importance. Et d'ailleurs, il est affecté au département de la guerre psychologique. Oui, mais toujours dans l'armée sud-vietnamienne. Oui, oui. Ouais. Mais à Hanoï, ses chefs se posent sérieusement la question de son avenir. Han a déjà donné d'incontestables preuves de ses aptitudes au métier d'espion. Toutefois, on se demande où il pourra être le plus efficace. Et au cours d'un rendez-vous clandestin avec son supérieur direct, la question est abordée. Certes, Han a toutes les qualités pour devenir un politicien, mais à cause des luttes de clans au Sud-Vietnam, c'est une position bien instable, et même parfois dangereuse. Oui, effectivement, si on compte les putschs, enfin bref. Autre chose alors ? L'armée. Mais sous-officier, Han peut tout juste espérer finir sa carrière comme colonel. Oui, pour ses chefs, là, c'est pas assez. C'est ce que pense l'homme du Viet Minh. Alors, de but en blanc, il propose à Han de devenir journaliste. Une profession, pardonnez-moi, qui est une excellente couverture pour les activités d'espionnage. Oui, l'un pour export, alors. Bon, je vous en prie. Le journalisme, donc. Mais au niveau supérieur, Han se doit d'être un journaliste de premier plan qui aura ses entrées dans les cercles dirigeants et sera considéré comme un égal par ses confrères états-uniens. Mmh, oui, mais écoutez, on ne devient pas journaliste du jour au lendemain. Hein. Je vous l'accorde. Aussi, Han est-il prié d'aller étudier le journalisme aux États-Unis ? Aux États-Unis, c'est-à-dire chez l'ennemi, hein, car les Américains, au nom de la théorie des dominos, vont s'impliquer de plus en plus au Vietnam. Pour lutter contre le communisme. Ouais. Et Han accepte d'aller... Oui, oui, oui. Seul pourrait le retenir l'état de santé de son père. Mais celui-ci meurt avant le départ d'Han. Ouais. Donc, il peut partir. Mais pour son visa, il n'a pas eu de problème ? Non. Puis n'oubliez pas que, le cas échéant, il pouvait se recommander de ses amis de la CIA. Autre élément très intéressant. Les chefs du jeune homme avaient envisagé de longues études. Au moins 4 ans. Oui, donc c'était une entreprise à long terme. Oui, hein. Ce qui signifiait que les communistes vietnamiens se préparaient à une longue guerre. Cependant, Han ne va rester que 2 ans aux États-Unis. Alors pourquoi Bah, d'abord parce qu'il est fauché. Il a dépensé toutes ses économies. Attends, il est envoyé par ses chefs lui ont pas donné d'argent là. Bah, pas assez en tout cas. Mais c'est assurément la deuxième raison qui l'a emporté. Dans un message codé, son frère lui a appris la création au Sud-Vietnam d'un Front National de Libération. Et ça veut dire que l'insurrection ne va pas tarder. En liaison avec Hanoï, hein. Bien entendu. Donc Han n'y tient plus et veut revenir chez lui au plus vite. Quoi, il a envie de se rendre utile. Bah, évidemment. Ouais. Mais en revenant précipitamment des États-Unis, là, il a quand même enfreint les ordres de ses chefs. Hein. C'est exact. Et il nourrit quelques appréhensions avant de reprendre contact. Et d'ailleurs, Auparavant, sa première visite est pour le chef des services secrets du régime de Saïgon. Oui, c'est ce docteur Thuyen, hein, c'est ça, dont vous avez déjà parlé. Oui, un type très malin, le petit docteur, comme on l'appelait. Pourquoi ? À cause de sa taille ? Effectivement, et Anne, qui le connaissait bien avant son départ pour les États-Unis, se voit proposer de devenir l'un de ses agents. Mais décidément, Ça veut dire que Anne, malgré sa modestie naturelle, a incontestablement une forte personnalité. Bon, enfin, passons. Comme le jeune homme vient de faire des études de journalisme, le petit docteur le fait engager à l'agence de presse officielle Vietnam Press. Ouais, au fond, c'est rigolo, hein. Ce Thuyen reprend, sans le savoir, l'idée des services de renseignement Viet Minh. Exactement. C'est curieux, non? Ah oui. Mais enfin, pas autant que ça, si vous m'affirmez qu'il est fréquent pour les espions, hein, de se camoufler sous cette couverture de journaliste. Et ils ont été nombreux. Même les plus grands, comme Sorg ou Philby. Et tous ces types de l'agence TASS qui étaient en fait des agents du KGB. Et aussi Graham Greene, dont nous parlions tout à l'heure, qui travaillait en réalité pour l'Intelligence Service et dont Anne a eu à s'occuper lorsqu'il lui sera demandé de surveiller ses confrères. Ouais, toujours pour le compte des services sud-vietnamiens. Oui, oui. Et alors il est en contact avec les services sud-vietnamiens, mais... Et ses véritables chefs, alors, les services communistes? Ben, il a quelques difficultés, car la répression anticommuniste est efficace et sans pitié. Ainsi, le chef direct de Anne a été démasqué. Mais il n'a pas donné le nom de son agent. Non, bien heureusement pour Anne. Anne, dont le travail de journaliste est de plus en plus apprécié, ce qui l'oblige à être un peu moins assidu auprès du docteur Thuyen. Ça veut dire qu'il monte en grade, là? L'agent britannique Reuter lui demande de devenir son correspondant. Et en cette période, on est alors à l'orée des années 60, où la présence militaire états-unienne monte en puissance, c'est un travail qui l'occupe à plein temps. Et puis, en 1965, c'est alors l'apothéose de sa carrière journalistique. Anne est débouchée par le prestigieux hebdomadaire Time Magazine. Ah, ça, c'est une consécration, hein. Ça, sans nul doute. Ouais. Anne est alors le seul journaliste vietnamien à faire officiellement partie de l'équipe de ce grand magazine. Et à bénéficier, bien sûr, d'un salaire américain payé en dollars. J'ajoute qu'il fait aussi des piges pour d'autres publications états-uniennes. Alors, Anne fait alors partie du gratin de la presse de Saïgon. Incontestablement. Confortablement installé dans une chambre du célèbre hôtel Le Continental. Il a aussi une table réservée au non moins célèbre glacier Givral, rue Katina. Et peu à peu, pour ses confrères occidentaux et surtout anglo-saxons, Anne devient une sorte de légende. Oui, ça veut dire quoi, ça? Dans le petit monde des correspondants étrangers, on parle même de Radio Katina. Radio Katina, c'est le nom de la rue, hein. Mmh. Alors, il s'agit des informations divulguées par Anne. Et deux de ses amis journalistes vietnamiens, eux aussi, avec lesquels il s'attable chaque jour à l'heure du café ou de l'apéritif. Ce qu'on appelle alors à Saïgon les trois mousquetaires. Mmh. Donc, pour revenir à une question que je vous ai posée tout à l'heure, il aurait été très facile pour Anne de devenir un agent d'influence en répandant, par exemple, de fausses informations. Eh bien non, il s'y est toujours refusé. Quoi ? Pour rester crédible ? Par contre, très habilement, il n'a jamais formellement réfuté la rumeur qui faisait de lui un agent de la CIA. Alors qu'il travaillait en fait pour ce camp, quoi. Et ça lui demandait une discipline intellectuelle exigeante et sans doute épuisante. Ouais. Il ne devait jamais se couper. Et c'est presque un miracle que son secret n'ait jamais été percé. Mais il faut dire que tout au long de sa carrière de taupe, Anne a été d'une extrême prudence, évitant au maximum les rencontres physiques avec ses officiers traitants et travaillant surtout en solitaire. Seule, son épouse et une collaboratrice connaissaient son secret. Et à Hanoï même, ou à l'état-major du Front de Libération. Le Viet Cong. C'est ça. Il n'y aura jamais qu'une poignée de cadres pour connaître sa véritable identité. Même le général Giap, à qui il va transmettre tant de précieuses informations, ne saura jamais qui était son informateur. Et il faudra attendre de longues années après la victoire pour que les deux hommes se rencontrent. Mais, malgré toutes ces précautions, Anne sera toujours à la merci d'une bévue ou d'une trahison. Il lui arrivera à plusieurs reprises d'avoir peur pour sa vie. Oui, parce qu'il prenait des risques. Forcément. Lorsque, grâce à ses contacts, il empruntait, entre guillemets, des documents confidentiels et qu'il les micro-photographiait dans le secret de son cabinet de toilette, il courait le risque d'être démasqué. Même s'il avait dressé ses deux bergers allemands à l'alerter au moindre bruit suspect, en gémissant. Et puis, il y avait la transmission des renseignements qu'il obtenait. Le système des boîtes aux lettres mortes dont nous avons souvent parlé n'était pas infaillible. Alors, justement, Quelle était exactement la nature des renseignements qu'il envoyait à ses maîtres? Ces informations étaient si considérables que le général Giap, qui ne le connaissait que sous son nom de code, a pu dire un jour, grâce à lui, j'ai l'impression de me trouver dans la salle d'opération américaine. Le grand journaliste et écrivain Olivier Todd a effectué de nombreux reportages au Vietnam et il a naturellement bien connu Han. Dans son ouvrage sur la chute de Saïgon, Cruel Avril, il le décrit ainsi. Grand, les traits réguliers, courtois, maniant un anglais impeccable et un français excellent, Han impressionne. Toujours bien renseigné, membre à plein temps du bureau de Time à Saïgon, il a ses entrées dans les états-majors militaires et politiques. Il a collaboré au Christian Science Monitor, travaillé pour Reuters. Sous Diem, il vivait aux États-Unis grâce à une bourse de l'Asia Foundation qui, à tort ou à raison, passait pour une pépinière d'agents potentiels de la CIA. Han adore les chiens et les oiseaux. Il fournit au moins 80% de la copie de Time en provenance du Vietnam. Et plus loin, Todd précise que les informations et les analyses d'Han étaient reprises par de nombreux correspondants étrangers car il s'était toujours montré clairvoyant. Pouvez-vous détailler ces précieuses informations que Han envoyait à Noël? Volontiers, mais une précision auparavant. Fang Xuan Han, c'est sa fierté, a toujours affirmé qu'il était plus un agent de renseignement stratégique qu'un simple espion. Ouais, mais ça change quoi? Han orientait ses recherches. Je vous explique. À partir des renseignements qu'il obtenait, il se livrait à de véritables analyses sur la stratégie de l'ennemi et donc sur les réponses à lui apporter. Ouais. Alors par conséquent, il proposait son interprétation à ses chefs. Exactement. Et l'expérience a prouvé qu'il a été souvent entendu à Hanoï. Alors, ces informations, dès 1961, année où le président états-unien fraîchement élu, Kennedy, décide de venir militairement au secours de Diem, son homologue sud-vietnamien. Han est en mesure de transmettre tous les plans de cette guerre spéciale, comme on l'appelle au Pentagone. Donc les généraux communistes savent à quoi s'attendre. Un an et demi plus tard, l'armée sud-vietnamienne, encadrée par des conseillers américains, lance une grande offensive dans la plaine des Joncs, à quelques dizaines de kilomètres de Saïgon. C'est, il faut le noter, la première fois que les hélicoptères sont utilisés. Or, malgré une infériorité évidente, tant en effectif qu'en matériel, le Viet Cong inflige une véritable défaite aux troupes sud-vietnamiennes. Parce que Han avait communiqué les plans ennemis? Oui, mais ça vaudra aux journalistes de recevoir sa première médaille militaire. Une décoration, j'imagine qu'il l'attendra à Hanoï. Hein? Bah, évidemment. Et Han indiquera que cette bataille perdue a porté un coup mortel à la guerre spéciale imaginée à Washington. Et effectivement, les stratèges du Pentagone vont prendre la décision de s'engager encore plus au Vietnam. Débarrassés du président Diem, assassiné sur ordre de la Maison-Blanche, les généraux états-uniens vont directement prendre en main la conduite de la guerre. Et là encore, grâce à Han, Hanoï n'en ignore rien. Oui, toujours avec l'aide du journaliste. Oui, et ces informations sont sans cesse plus importantes. Et elles sont prises au sérieux. Autre exemple. La fameuse offensive communiste du Tet en 1968, à un moment où le contingent états-unien compte un demi-million d'hommes. Han a été prévenu plusieurs mois à l'avance. Et pour la première fois, il va sortir de son rôle de taupe. C'est-à-dire? Hanoï lui demande de définir un certain nombre de cibles, en particulier à Saïgon. Et à cette occasion, le journaliste prend un risque inouï. Il guide un chef Viet Cong directement sorti du maquis dans la capitale sud-vietnamienne. Et d'après tout ce que vous m'avez raconté, là, cette imprudence, parce que j'en ai une quand même, ne lui ressemble pas. Peut-être, mais Han est un personnage insoupçonnable. Et personne ne s'étonne de le voir visiter la ville en compagnie d'un ami inconnu. Mais poursuivons. L'offensive du Tet, même si elle ne débouche pas sur un succès nord-vietnamien, ébranle fortement la machine de guerre états-unienne. Vous vous souvenez certainement de la prise de Hue, l'ancienne capitale impériale, ou encore du siège de Khe Sanh, où les troupes de Giap vont tenir les marines sous le feu de leur artillerie pendant plusieurs semaines. Oui, mais enfin, des troupes qui finiront quand même par se retirer. Oui, mais ce coup de semonce décide du sort de la guerre et des négociations qui commencent en mai 68 à Paris. Négociations entre Washington et Hanoï. Oui, et au même moment, les communistes se lancent dans une nouvelle offensive. Toutefois, Han intervient. Alors, de quelle façon, là? Il estime que les bombardements sont inutiles. Des bombardements qui touchent plus les civils que les objectifs militaires. Et on informe Hanoï qui décidera de mettre fin à l'offensive. Ah, son influence est donc décisive. Et on va le constater une nouvelle fois quelques années plus tard, en 74-75. En 75, il faut le rappeler, c'est l'année de la prise de Saïgon. Et de la fin de la guerre, oui. À l'époque, après les accords de Paris signés en 1973, les États-Unis ne participent plus directement au combat. Comme ils sont toujours présents, hein. Moins nombreux, quand même. Mais toujours opérationnels, s'il le fallait. En outre, ils continuent à apporter une aide matérielle et militaire importante à l'armée sud-vietnamienne. Et là, se pose une question cruciale aux dirigeants communistes. La victoire leur semble à portée de main. D'autant que le gouvernement sud-vietnamien affaibli peut se disloquer à tout moment. Mais comment vont réagir les Américains si Hanoï donne le signal de l'offensive finale? Oui, c'est-à-dire, vont-ils s'opposer militairement à cette offensive? Et venir au secours de leurs alliés sud-vietnamiens? Eh bien, encore une fois, c'est Han qui va répondre à cette question primordiale. Une réponse décisive. D'elle dépend la poursuite de la guerre ou la paix si les communistes arrivent à gagner. Lourde responsabilité pour le journaliste, hein. Alors comment procède-t-il? Il va encore faire preuve d'une extraordinaire audace. Grâce à ses relations au plus haut niveau à l'intérieur du pouvoir sud-vietnamien, il réussit à mettre la main sur un rapport ultra secret. De quoi s'agit-il, hein? Ce document, rédigé à l'intention du président Thieu par un comité d'études stratégiques, décrit d'abord, avec réalisme, l'état de déliquescence de l'armée sud-vietnamienne. Une armée qui, pourtant sur le papier au moins, est supérieure en effectif et en matériel aux troupes que Giap pourrait engager au sud. Mais moralement, elle est inférieure. Ça. Moins motivée, oui, c'est ce que conclut ce rapport. Toutefois, il est encore plus important. Selon ce document ultra secret, signé par un général sud-vietnamien, il est écrit noir sur blanc que les Américains, qui réduisent de jour en jour le nombre de leurs soldats présents au Vietnam, n'interviendront pas en cas d'offensive communiste. Autre information capitale. Ce général désigne le point faible du dispositif de défense sud-vietnamien, une région de haut plateau. Si l'ennemi réussit à la franchir, tout le reste s'écroulera. Ah, c'est un document, en effet, capital. Et Han s'empresse de le photographier et d'envoyer une copie à ses chefs. Et ça permettra non seulement à Giap et aux généraux nord-vietnamiens de lancer leur offensive, mais aussi d'enfoncer un coin dans cette zone de haut plateau signalée par le général sud-vietnamien. Puis ce sera la prise des principales villes et la chute de Saïgon en avril 1975. Donc, si je vous ai bien entendu, l'action de la taupe femme Xuan Han a été considérable. Et sans exagérer, on peut estimer que le journaliste a sans doute abrégé la guerre. Oui, en permettant aux communistes de triompher plus rapidement. Certainement. Car sans les renseignements transmis par Han, l'armée du Sud aurait été capable de résister plus longtemps et plus efficacement. Elle était quand même forte de plus d'un million d'hommes, il ne faut jamais l'oublier. Et elle pouvait aussi compter sur le même nombre de miliciens armés. Après la chute de Saïgon devenue Ho Chi Minh-ville, la réunification intervient. Mais alors, que devient Han? Permettez une parenthèse avant. Je vous en prie. L'arrivée des soldats communistes à Saïgon n'est pas sans danger pour Han. Et pour quelle raison? Le journaliste n'est alors connu, et encore souvent indirectement, que d'une poignée de dirigeants de Hanoï. Et à Saïgon, tous ceux qui le fréquentent ou l'ont croisé pensent sincèrement que c'est un ami des Américains et des fantoches sud-vietnamiens, pour reprendre le langage de l'époque. Il risque donc d'être dénoncé et arrêté, ou même fusillé sans autre forme de procès. Alors, il se cache? Non, il prend quand même la précaution d'envoyer sa famille aux États-Unis. Mais lui-même va accomplir un geste étonnant. Comme lorsque, 5 ans auparavant, il avait, au risque de sa vie, arraché aux mains des soldats nord-vietnamiens un de ses confrères américains du Time. Et il joue gros là, hein, quand même. Mais il réussit. Le deuxième geste est encore plus spectaculaire. Vous vous souvenez de ce docteur Thuyen dont je vous ai parlé? Oui, le petit docteur, là, le chef des services secrets sud-vietnamiens. Oui, Thuyen, même si son étoile a pâli, est une cible naturelle pour les vainqueurs. Bien sûr, oui. Eh bien, contre toute attente, Han va faire l'impossible pour organiser sa fuite. Et après pas mal de péripéties dont je vous passe les détails, il réussira à lui trouver une place à bord de l'un des derniers hélicoptères américains qui quittera Saïgon pour aller se poser sur un porte-avions qui croise au large. Mais c'est bizarre, parce que Thuyen était quand même objectivement un ennemi pour Han. Et si ce sauvetage avait été connu à Hanoï, le journaliste aurait pu le payer très cher. Et cependant, Han a couru ce risque. Mais pourquoi alors? D'abord parce que le journaliste lui était reconnaissant de l'avoir aidé lors de son retour des États-Unis. Ouais, enfin, sans savoir que Thuyen introduisait le loup dans la bergerie. Il l'avait aidé, et c'est ce qui comptait pour Han. Ensuite, et c'est sans doute la clé de toute cette histoire, je suis persuadé que Han, s'il a été un patriote convaincu et courageux, qui a rendu d'immenses services à son pays, a toujours été aussi un communiste tiède. Tiède, méfiant. En tout cas, il n'a jamais approuvé les méthodes staliniennes mises en œuvre au Vietnam après la victoire. Les camps, les liquidations expéditives, la suppression des libertés. D'accord, mais il a quand même puissamment contribué à l'installation de ce régime dictatorial. Certes, toutefois, ce qui comptait pour lui, c'était l'indépendance de son pays. En tout cas, il n'a jamais raté une occasion de montrer son esprit critique. Un seul exemple. Malgré ses décorations et même son élévation dans la hiérarchie militaire. Oui, il devient même général, m'avez-vous dit. Hein? Oui. Eh bien, malgré tout ça, il devra faire un séjour dans un institut de rééducation. Mais pourquoi ? Les autorités ont estimé qu'il avait trop longtemps vécu au contact du monde capitaliste. Oui, il avait été contaminé, en somme. Voilà. Mais le dilettantisme de Han, ses blagues incessantes ont eu raison de la patience de ses instructeurs et au bout de quelques mois, on a renvoyé cet esprit libre dans ses foyers. Non, décidément, Han était un drôle de communiste. Un dernier témoignage sur les activités et les sources de Han. Je l'ai trouvé dans les mémoires d'un officier nord-vietnamien, Bui Tin, je cite. C'était un confident de Tran Van Don, le ministre de la Défense du Vietnam du Sud, et de Tran Kim Thuyen, le chef du renseignement et du contre-espionnage sud-vietnamien, deux hommes qui travaillaient main dans la main avec la CIA. C'était également un ami proche de journalistes américains, britanniques, français et japonais basés à Saïgon. Il les accompagnait sur le terrain à bord d'hélicoptères américains et à son retour, il répandait toutes sortes d'histoires sur Radio Katina, c'est-à-dire l'usine à ragots des bars et des cafés de la principale avenue de Saïgon. En même temps, il remettait des photographies et de nombreux documents intéressants à Cu Chi, il s'agit de son officier traitant, pour qu'ils soient transmis à Hanoï. Ce réseau de renseignement n'avait que deux membres, femme Xuan Han et une femme, Chi Ba, sœur numéro 3, qui lui servait de courrier. Il est incroyable qu'ils aient pu remplir cette mission pendant 20 ans sans jamais être découverts. Ils furent tous deux honorés du titre de héros de l'armée populaire en 1976. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage hors du commun, je vous recommande vivement l'indispensable lecture du livre de Jean-Claude Pomonti, Un Vietnamien bien tranquille, paru en mars 2006 aux éditions des Équateurs.